Chapitre 311. L'interdiction d'entrer sauf par nécessité dans la mosquée après avoir mangé de l'ail, de l'oignon, du poireau ou tout ce qui dégage une mauvaise odeur jusqu'à la disparition de cette odeur. 1701. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui a mangé de cette plante, c'est-à-dire l'ail, ne s'approche pas de notre mosquée. Al-Bukhari et Muslim. Dans l'une des versions de Muslim, de nos mosquées. 1702. Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui a mangé de cette plante, l'ail, ne s'approche pas de nous et n'assiste pas à la prière en commun avec nous. Al-Bukhari et Muslim. 1703. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon s'écarte de nous et de notre mosquée. Al-Bukhari et Muslim. Dans une version de Muslim, que celui qui a mangé de l'oignon, de l'ail ou du poireau ne s'approche pas de notre mosquée, car les anges sont gênés par les mêmes choses que les hommes. Muslim. 1704. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a déclaré au cours d'un prêche du vendredi « Ô gens, vous mangez deux plantes au goût et à l'odeur répugnantes, l'oignon et l'ail. » Or, j'ai vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, faire sortir de la mosquée et envoyer au Baqir, le cimetière de Médine, l'homme chez lequel il sentait leur odeur. Que celui donc qui souhaite manger de ces deux plantes les cuise pour en faire disparaître l'odeur. Muslim. 1704.